À tous ceux qui, en plus de se demander « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», se demandent ce qu'il y a dans leur assiette et d'où ça vient et si ça respecte l'environnement. Et à tous ceux qui en ont marre de passer plus de temps à lire les emballages qu'à déguster ce qu'il y a dedans. Désormais, l'application Intermarché vous permet de répondre facilement à toutes vos questions en sélectionnant les produits selon vos préférences, que ce soit en termes de nutrition, d'origine ou d'impact environnemental. Alors une dernière petite question, qu'attendez-vous pour la télécharger ? Intermarché, tous unis contre la vie chère. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'œil était dans la tombe et regardait. Laissons Caïn à son sort et gardons de ce poème issu de la légende des siècles la tombe tout d'abord. Celle, bien entendu, que fouillent les archéologues au quotidien. Ces centaines de milliers de tombes désormais exhumées en France et bien plus encore ailleurs. Faisons alors intervenir un unique œil. Non plus cet œil divin, allégorie de la conscience, mais celui symbolisant l'éthique. L'éthique qui désormais s'impose à tout chercheur travaillant sur un vestige humain. Tombe et éthique, voici donc les deux quintessences qui constituent ce soir le magazine d'archéologie de France Culture. Explorant les arcanes des sciences du passé, nous avions évoqué, voici une décennie, avec Marc Guillon, ce sujet pionnier intitulé « Entre anthropologie funéraire et éthique, que faire des squelettes exhumés par l'archéologie ?» 10 ans plus tard, tout a changé. Preuve peut-être de l'influence des pays anglo-américains, comme d'un monde qui vit des heures de crispation. Pour évoquer les archéologues, les squelettes et la mort, 2 invités, Rosane Colter, Philippe Charlier, bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir Philippe. Archéo-anthropologue à l'INRAP, Rosane Colter, vous travaillez dans l'ouest de la France et avez découvert à Rennes, parmi les 800 tombes fouillées de l'ancien couvent des Jacobins, la sépulture de Louise de Cango, décédée en 1656 et accompagnée d'une boîte contenant le cœur de son mari. Nous en reparlerons. Médecin légiste, anatomopathologiste, Philippe Charlier, vous êtes désormais directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. L'éthique faisant partie de vos axes de recherche, vous avez organisé samedi dernier un colloque intitulé « Anthropo-responsabilité » qui sera au cœur de notre discussion. Mais commençons par 2 petites histoires. De squelettes, bien entendu, racontés par une autre thanato-archéologue, Lola Bonnabel. On a fouillé comme ça à Reims, la Neuvillette, une tombe qui est la sépulture d'un homme sur un char, justement. Il est en position centrale. À sa droite, il a un dépôt alimentaire, donc des vases, des quartiers de viande, etc. Il est accompagné de ses armes. Et puis à sa gauche, il y a un autre homme qui a été inhumé comme en symétrie par rapport au dépôt de nourriture et d'harnachement des chevaux. Et ce qui est tout à fait intéressant en plus, c'est que l'homme qui est sur le char et qui est armé a ce qu'on appelle une fracture de parade. C'est-à-dire que c'est des fractures de l'avant-bras qui sont interprétées comme une fracture que vous avez quand vous protégez, par exemple lors d'un combat, mais aussi malheureusement quand une brique tombe d'un toit. C'est un peu le même geste. Et à côté, l'autre homme a des marques extrêmement particulières sur son humérus qui sont interprétées comme des traces d'arrachage ligamentaire, dont on pourrait penser qu'il puisse s'agir de traumatismes dus à la conduite d'un cheval. Donc évidemment, on est très très tenté d'imaginer le guerrier accompagné de son aurige. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous les deux morts en même temps au combat ? Ou est-ce que l'aurige a trouvé la mort pour suivre, de manière volontaire d'ailleurs, pourquoi pas, hein, pour suivre le guerrier ? Évidemment, c'est très difficile à dire. En revanche, ce qui est certain, c'est que la relation entre ces hommes est évidente, qu'elle est forte, et que l'un semble appartenir ou être en tout cas soumis à l'autre. La tombe de Brienne sur Rennes, une jolie histoire. Ah oui, alors donc il s'agit tout à fait à l'opposé de ce que je vous disais tout à l'heure avec ces deux hommes en position dissymétrique, de deux hommes main dans la main, allongés l'un près de l'autre, qui montrent vraiment une image d'égalité, une image de lien, une image de tendresse. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'ils ont tous les deux sur le crâne un caractère discret, une suture qui ne s'est pas soudée. Ils sont quasi main dans la main. Ils sont main dans la main posée l'une sur l'autre, vraiment tout contre l'autre. Et cette marque qu'ils ont sur le front, ils sont les seuls à la voir et elle est très rare au sein de cette population. Ils ont à peu près le même âge, donc évidemment, on a envie d'imaginer des frères, voire même, pourquoi pas, des jumeaux. Ont-ils trouvé la mort ensemble ou se sont-ils suivis? Toujours la même question. Rosenkolter, des histoires comme celle-là, vous en avez bien sûr plein. Les squelettes ont-ils un statut particulier par rapport aux autres vestiges que vous fouillez sur les chantiers archéologiques? C'est vrai que les os humains, ce ne sont pas des vestiges archéologiques comme les autres. Ils n'ont pas, en fait, le statut de mobilier archéologique, parce que pour être d'immobilier archéologique, il faut avoir été transformé par l'homme, donc c'est pas vraiment le cas des squelettes. Donc ils ont un statut un particulier et ils peuvent pas, par exemple, être vendus ou cédés à un particulier. Donc ils demeurent dans le giron public et aujourd'hui aucune loi sur l'archéologie n'évoque spécifiquement en fait ces vestiges anthropobiologiques. D'ailleurs, la sous-direction de l'archéologie en ce moment au ministère de la Culture, elle a formé un groupe de travail sur cette question des restes humains en contexte archéologique. Et elle essaye soit de proposer un statut ou à minima essayer d'encadrer les études. Donc en attendant, nous les archéologues, on va appliquer nous les lois comme tout le monde. Elles sont les lois de la bioéthique, notamment celles de 1994, qui vont stipuler que chacun a le droit au respect de son corps, que le corps humain est inviolable et que ces éléments ne peuvent pas faire l'objet d'un commerce lucratif. Mais c'est vrai que pour les archéologues, c'est une véritable aubaine en fait d'avoir ces restes entre les mains, parce que l'archéologie c'est l'étude de l'homme et quoi de plus parlant que d'avoir son squelette. Et le squelette c'est une source pour nous d'information qui est de première main, qui n'a pas d'intention, et donc c'est pour nous c'est génial pour pouvoir discuter de notre passé quoi. Mais... Justement, tous ces milliers d'anonymes, Rosenkolter, ne pensez-vous pas que vous en êtes détenteurs de leur histoire, de leur propre histoire biologique et culturelle, et qu'il s'agit là d'une belle responsabilité, d'un hommage sensible face au camion Ben qui aurait dû les charrier vers une décharge? C'est vrai que, en tant qu'archéo-anthropologue, on a vraiment à cœur de faire parler ces vieux morts et d'utiliser tous les outils à notre disposition pour ce faire. L'archéologie, c'est une mission de service public, comme le rappelle la loi et le décret le code du patrimoine depuis 2004, quoi. Donc l'archéologie, c'est un bien commun, et c'est pourquoi les archéologues, ils se lèvent le matin, ils vont sur le terrain, qu'il gèle, qu'il pleuve. Enfin, on se met en quatre, c'est vrai, du moment qu'on est sur le terrain jusqu'à la fin de la chaîne opératoire, à la publication, pour essayer de reconstituer ces morceaux de vie passée. D'ailleurs, c'est même la devise de mon institut, l'INRAP, qui dit « Nous fouillons, c'est votre histoire ». Mais donc il faut savoir que dans le cadre de nos opérations, que ce soit le diagnostic ou la fouille, c'est sûr qu'on va fouiller que plein de sépultures. Et face à cela, on va toutes les étudier pareil, quelle que soit la période chronologique, leur culture, leur état de conservation, le sexe, la position sociale. On essaye d'avoir, on n'a pas de charte déontologique, mais on se l'impose. Enfin, ça vient comme ça, quoi. L'archéologie, c'est l'histoire de tous. Et donc on essaye, nous, d'être à la hauteur de cette responsabilité sur le terrain. Philippe Charlier, qu'en est-il de ce statut des vestiges humains dits biologiques dans les musées français, notamment le vôtre, le musée du Quai Branly, Jacques Chirac? Alors c'est très variable en fait d'un cas à l'autre. Il y a des restes humains qui pour lesquels les communautés d'origine, par exemple les communautés maoris de Nouvelle-Zélande, ont encore une sorte de droit coutumier ou de droit de regard, ce qui expliquait notamment la restitution de beaucoup de têtes qu'on appelle des mokomokai, des têtes tatouées, à cette communauté il y a quelques années. Pareil pour les restes de Sartre et Bartman, qui était la Vénus en Tantote, qui a été restituée par nos collègues du musée de l'Homme, parce que ces restes avaient une histoire, avait une identité surtout. Et c'est vrai que ces squelettes qui ont un nom, contrairement à de très nombreux squelettes issus de l'archéologie qui malheureusement ont perdu leur identité, mais c'est le travail de l'ostéo-archéologue de reconstituer cette biographie, eh bien des squelettes qui ont des noms ou des fragments de vestiges humains dans les musées, il y en a beaucoup. Il y a le cœur de Richard Coeur de Lion qui est à Rouen, vous avez les cœurs de Louis XIII, Louis XIV à la Basilique Saint-Denis, ou même dispersés sous la forme de petits fragments dans des peintures, que ce soit au musée de Pontoise ou encore au musée du Louvre. Quand on regarde ces peintures, faut imaginer imaginer qu'il y a des fragments de cœur de roi à l'intérieur. Vous avez les reliques, vous avez les livres en peau humaine dans les bibliothèques, vous avez des papiers tachés de sang de personnages historiques aux Archives nationales ou à la Bibliothèque nationale de France. Et dans l'établissement dans lequel je travaille, le musée du Quai Branly Jacques Chirac, eh bien, nous avons beaucoup de squelettes ou encore des coiffes, par exemple, de Nouvelle-Calédonie avec des poils humains. C'est très difficile de déterminer, il y a une vraie zone d'ambiguïté entre le fait que ça soit des restes humains stricto sensu, éléments de squelette par exemple, là il n'y a pas trop de problème, mais lorsqu'ils ont été transformés, lorsqu'ils deviennent des artefacts, lorsqu'ils deviennent des objets dans un cadre de conservation de musée ou d'histoire de l'art, par exemple un crâne trophée ou une tête surmodelée d'Océanie, eh bien c'est là toute l'ambiguïté de leur statut et du coup de leur conservation et éventuellement de leur mobilité d'une collection à une autre collection. Philippe Charlier, je reviens sur ce que vous disiez. Pour moi, les individus anonymes liés à l'archéologie n'ont absolument pas perdu leur identité. On ne sait pas qui ils sont, mais ils n'ont pas perdu leur identité. Alors, ils n'ont pas perdu, ce sont toujours des individus qui ont un statut de restes humains, mais ils ont perdu leur identité au sens de nous n'avons plus leur nom précisément, nous n'avons pas leur pédigré généalogique, etc. Toute leur fiche biographique, tout leur dossier médical est à reconstituer par le travail commun de l'anthropologue, du paléopathologiste, de l'historien, de l'archéologue, etc. Donc, il y a une perte d'information, Charles... aux chercheurs de retrouver et de reconstituer pas à pas cette information. Ce sont toujours des restes humains, ils ont leur statut de restes humains, mais ils ont perdu une partie de leur identité parce que, eh bien, la pierre tombale n'est plus présente, parce qu'il n'y a plus d'informations biographiques sur le cercueil, etc. Sauf quand on a la chance, et Rosane l'a bien montré et extrêmement bien exploité sur le plan scientifique, de tomber sur une sépulture avec un nom, je pense à Madame de Quingot par exemple, et au cœur de son mari. Rosane Colter, le premier sujet d'éthique que nous devons aborder, c'est la prise en compte non plus des objets, mais du squelette, du corps. Prise en compte donc qui, somme toute, est très récente, les années 80. C'est vrai que l'archéologie, c'est une science qui est assez jeune, l'anthropologie encore plus. Lorsque la tombe était fouillée, avant, les tombes étaient fouillées juste pour les objets qu'elles contenaient. Il faut se souvenir des publications du 19e siècle, par exemple, ce que faisait l'abbé Cochet sur les cimetières francs de Normandie. Les plaques-boucles étaient très bien dessinées, alors que les squelettes, on voyait à peine dans quelle position ils sont, quoi. En fait, l'anthropologie s'est vraiment développée sur des problématiques à l'époque qui tournaient autour de classification, de hiérarchisation, de race. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Et c'est à partir des années 80, comme vous le rappelez justement, que le squelette est devenu le centre de la tombe. Après tout, c'est d'ailleurs pour elle qu'elle a été creusée, cette tombe. Donc les anthropologues, là, ils vont maintenant se déplacer sur les chantiers de fouilles et puis ils essayent de comprendre les gestes funéraires. C'est vraiment ce qu'on appelle les débuts de l'archéothanatologie qui a été initié par des chercheurs comme Henri Dudet au CNRS. Ensuite, le développement de l'archéologie préventive a permis une automatisation des gestes des archéologues sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, on a des approches de prélèvement et des protocoles, enfin des enregistrements qui sont identiques partout, quoi. Et on n'imagine même plus qu'on pourrait se passer d'un archéo-anthropologue sur le terrain, sur la fouille d'un cimetière. Et puis parallèlement, donc à ces pratiques, dans les mêmes années, on a aussi une explosion des outils numériques, que ce soit la démocratisation des ordinateurs avec des systèmes d'information géographique, des bases de données relationnelles, et également le développement des applications biologiques avec, par exemple, la volonté d'une médecine personnalisée avec un séquençage du génome humain et des diagnostics et des traitements qui sont adaptés au profil génétique de chacun. Donc tout ça, on s'en sert aussi en archéologie et ça a renouvelé nos problématiques. Maintenant, on travaille sur l'atome avec les isotopes, on travaille sur des molécules avec l'ADN. En fait, l'archéoanthropologie, c'est vraiment une science holistique et l'archéologie, c'est une science totale. On étudie un peu tout, quoi. Dans la tombe, que pense le fouilleur face au fouillé ? Lola Bonnabel l'évoquait dans une archive de 2012. On l'écoute. Que pense-t-on quand on fouille ? Il est vrai que ça n'est pas anodin. Il y a d'ailleurs des personnes qui sont tout à fait incapables de fouiller des squelettes. J'en ai dans mes collègues qui refusent systématiquement de fouiller des squelettes. J'ai aussi souvenir d'avoir travaillé avec un collègue qui était extrêmement perturbé parce que toute la journée, on était sur un bord d'église, on avait vraiment énormément de restes humains toute la journée à sortir à toute vitesse et il n'en dormait plus, il en était malade, c'était épouvantable. Évidemment, ce ne sont pas des restes anodins. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils fouillent, pensent aux vivants. dépasse cette mort et dépasse le deuil qui pouvait être lié, mais essaye d'imaginer, lorsqu'on a déjà vu le bassin, si c'est un homme, une femme, lui remettre un peu de chair, ou alors quand il a une fracture, imagine sa claudication, etc. Rosane Cotter, Philippe Charlier, j'imagine que vos regards sont plus dégagés. La fouille est aussi un acte strictement technique ? Alors oui, c'est un acte technique. Ouais. Mais pour nous, effectivement, c'est un acte technique. Mais c'est vrai que on n'est pas, on travaille en, enfin, on travaille sur le squelette d'un point de vue scientifique. Donc on essaye de pas oublier des choses. Donc c'est sûr qu'on se pose des questions avant la fouille, après la fouille. Mais une fois qu'on y est, on essaye de recoller remplir toute notre documentation pour conserver le maximum de données, quoi. Philippe Charlier. Oui, il y a une froideur scientifique, si on peut dire, ou en tout cas un détachement. On est vraiment concentré face à un squelette, comme face à une momie ou des fragments biologiques qu'on peut trouver en archéologie. Mais je comprends quand même que certains de nos collègues puissent avoir une réflexion qui peut être philosophique ou métaphysique. C'est vrai que fouiller une tombe, ouvrir une sépulture, et de plus en plus, l'INRAP notamment exhume et analyse des sépultures, par exemple, intactes dans des cercueils ou des sarcophages de plomb, cercueils de plomb récemment. Et c'est vrai qu'on doit se poser toujours la question et le balancer, si on peut dire, entre la profanation d'un côté et puis la recherche scientifique. Pour moi, c'est une recherche scientifique, c'est bien organisé, borné, etc. Mais la démarche philosophique, elle est réelle. On projette forcément un tout petit peu de soi-même, de son parcours et de ses craintes et ses angoisses quand on fouille, au moins au début. Et puis ensuite, au fur et à mesure, l'habitude vient et puis le détachement scientifique de sur surtout ne pas rater une information essentielle, parce qu'on est avant tout dans une démarche de recherche complète. Avons-nous tous vocation à être tôt ou tard fouillés ? Qui veut me répondre à cette colle ? Si on a un peu de chance, pourquoi pas, évidemment. Globalement, c'est vrai que l'impact des recherches archéologiques sur le territoire français est quand même assez faible. Sur 700 km² qui sont aménagés chaque année, il y a seulement 2% de cette superficie qui va partir en fouille. Donc, on a peu de chance. En plus, il est très rare que les opérations archéologiques soient mandatées dans des lieux d'inhumation actuels. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les pratiques d'inhumation changent. Aujourd'hui, la crémation complète, elle est plébiscitée pour, je crois que c'est plus de la moitié des Français qui souhaitent se faire incinérer. Donc ça va nous laisser aussi peu de vestiges aux futurs archéologues. Par contre, on sait bien que les concessions à perpétuité, elles n'existent pas et que les lieux de repos éternels que représentent normalement les cimetières, ils seront forcément bougés. Mais bon, après, est-ce qu'on tombera sur un archéologue ? À voir. Philippe Charlier, les champs de l'archéologie évoluent et désormais des cimetières des temps modernes et contemporains sont l'objet de fouilles de recherche ? Oui, et heureusement, c'est-à-dire qu'on replace maintenant et on étudie, on fait une sorte d'archéologie du passé récent, si on peut dire, qu'il s'agisse du cimetière de la Ciotat, par exemple, à Marseille, ou du cimetière protestant au Val-de-Marne, qu'il s'agisse également de cimetières rattachés à des établissements religieux et hospitaliers comme à Valenciennes. On met vraiment le paquet, si on peut dire, de la recherche en confrontant à la fois des sources historiques, des sources archivistiques, donc des travaux vraiment sur des manuscrits, des inventaires de patients, de médicaments et autres, en travaillant sur les latrines, en travaillant sur le cimetière qui correspond à cet ensemble d'activités. Et ça permet, au fur et à mesure, d'avoir une vision diachronique, une vision successive, période après période, qui s'installe, une sorte d'évolution à la fois des processus pathologiques. On voit comment les maladies naissent, vivent, évoluent, s'interpénètrent les unes les autres, se chassant l'une l'autre, et puis parfois certaines maladies meurent, tout simplement. On voit également comment évoluent les pratiques médicales ou chirurgicales. Parfois, dans un cimetière, on retrouve des jambes qui ont été amputées. L'individu a survécu, mais qu'est-ce qu'on a enterré dans le cimetière ? La jambe, ce qu'on appelle le lambeau d'amputation. Donc ça nous renseigne aussi sur le statut de ces fragments corporels, sachant que le reste de l'individu, 95% du corps, a survécu, mais 5% a été amputé parce que atteint par la maladie. Cette insertion, si on peut dire, de l'archéologie dans le moderne ou dans le contemporain, jusqu'à des sépultures, évidemment, de la Deuxième ou de la Première Guerre mondiale, pour lesquelles, pour reprendre sur ce que vous disiez tout à l'heure, Vincent, eh bien, on va reconstituer des pans entiers de l'identité qui avait malheureusement été temporairement perdue, Ça va permettre d'ailleurs de rendre ces corps aux États, sinon aux familles directement, et d'entamer pour certaines d'ailleurs un processus de deuil et de faire la paix avec ce mort qui était disparu, mais qui n'était pas encore devenu palpable. Il n'avait pas encore de sépulture. C'est difficile pour la famille d'entrer dans ce processus quand on n'a rien à voir, à porter, à comprendre, rien sur quoi pleurer. Et oui, on fait d'ailleurs une annonce dans la presse locale pour connaître les descendants et pour qu'ils puissent se manifester quand nous fouillons un cimetière très récent, notamment du 19e. Philippe Chardier, si la plupart des individus est désormais anonyme, que penser de ceux, célèbres ou non, dont nous connaissons l'identité, voire même l'histoire ? Eh bien, l'étude de ces personnages historiques permet justement de savoir si l'histoire dit vrai ou pas. C'est pas du tout la science qui est plus forte, entre guillemets, que l'histoire, surtout pas, mais c'est toutes les sciences biologiques et tous les champs, par exemple, de l'anthropologie et de l'archéoanthropologie qui vont permettre de dire si ce que la notoriété, ce que l'histoire, ce que la tradition ont rapporté de, je sais pas, Robespierre, par exemple, Henri IV ou Richard Cœur de Lion, si c'était vrai ou pas. Les squelettes, les éléments du corps deviennent des sortes d'ambassadeurs de ce corps en entier, et comme un médecin ferait face à un patient, eh bien les archéo-anthropologues vont faire parler ce mort de façon bien pragmatique, hein, c'est pas du spiritisme, ils vont le faire parler et reconstituer complètement un visage le plus ressemblant possible à la réalité, quelque chose d'objectif et non pas quelque chose de subjectif qui a été déformé par les siècles. Donc ça permet vraiment de reconstituer une vérité, la vérité la plus vraie possible, si je peux dire. On n'est jamais dans une vérité absolue, mais en tout cas de s'en approcher au maximum. Votre avis, Rosane Colter ? Mais c'est vrai que sur certaines sépultures, on arrive à aller jusqu'à proposer l'identité, mais en archéologie, on n'est pas comme un médecin légiste qui va traiter avec des patients. Nous, on va s'occuper de sujets. Donc cette proposition, elle a un sens parce qu'elle ramène aussi cet individu à un groupe, à une classe sociale. Mais d'un point de vue factuel, c'est pas non plus l'objet des recherches archéologues de retrouver des descendants à un aïeul qui a été complètement oublié. Donc, que ce soit par exemple pour la tombe d'Alain Fournier qui a été retrouvée à Saint-Rémy-la-Calonne ou celle de Louise de Quingot, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, qui a été découverte à Rennes, documenter ces personnages d'un point de vue biologique et des pratiques d'inhumation, c'était aussi un prétexte pour étudier ses contemporains, ceux qui sont enterrés avec eux. Et on le voit bien dans la très belle publication qu'avait fait Frédéric Adam de la tombe d'Alain Fournier. Il mettait un point d'honneur justement à traiter ce personnage comme ses 20 autres compagnons d'armes. Donc c'est vrai que nous, on ne propose pas vraiment l'identité, quoi. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Quel est aujourd'hui le sort des centaines de milliers de squelettes exhumés par l'archéologie ? Rosane Colter, où sont-ils ? Si nous voulons que l'archéoanthropologie soit une science à part entière, il faut que ces données soient reproductibles et donc pour nous, il faut qu'on puisse revenir dessus. Et donc aujourd'hui, après la fouille archéologique, les squelettes, ils sont lavés, ils sont inventoriés et puis après, on va les conditionner, après étude, dans des caisses en plastique. Et donc à l'issue de la rédaction des rapports de fouille, toutes ces collections vont être versées dans les services régionaux d'archéologie et ils sont conservés dans des dépôts de fouilles. Donc le protocole aujourd'hui de ces dépôts, il est bien maîtrisé et la réglementation sur l'archéologie préventive fait que voilà, on fait tous pareil sur le territoire national. Mais par contre, il y a un gros passif, hein, parce qu'avant que cette loi soit promulguée, les collections, on les gérait pas pareil et la documentation, elle est pas toujours satisfaisante, ainsi que ses modes de conservation. Donc les conservateurs, aujourd'hui, ils essaient avec leurs moyens de gérer ces anciennes collections au mieux. L'idéal étant quand même la création de collections ostéologiques, mais gérées avec des personnels qui sont soit formés, au moins sensibilisés aux problématiques anthropologiques pour garder un œil bienveillant dessus, quoi. Philippe Charlier, certains pays anglo-saxons et anglo-américains ont des positions et des législations très différentes de la nôtre face aux squelettes archéologiques, notamment en Angleterre, avec une vraie loi créée en 1990. Désormais, on réenterre les morts archéologiques. Ce n'est pas du tout le cas en France. Est-ce que justement le réenfouissement pourrait être un frein ? Alors le réenfouissement peut s'entendre pour certaines communautés pour lesquelles il est absolument indispensable de respecter les conditions religieuses, les prescriptions religieuses. Au musée du Quai Branly Jacques Chirac, on a établi une énorme relation avec les communautés autochtones auprès de beaucoup de communautés des quatre autres continents que l'Europe. Et que nous enseignent ces communautés? Comment traiter les restes humains anciens, mais également ceux qui sont relativement récents? C'est respecter ne serait-ce que une chose importante, c'est qu'ils ont tous, en grande partie, été enfouis. Ils ont tous été mis dans le sol. Et beaucoup de ces communautés ne s'opposent pas à ce que l'archéologie conserve hors d'une sépulture, hors d'une nécropole, ces restes anciens. Il y a juste une chose qu'ils voudraient vraiment beaucoup faire, c'est que les corps soient dans des réserves souterraines, qu'ils soient sous le niveau du sol. Sur le plan symbolique, c'est vraiment une chose qui est extrêmement importante. C'est d'ailleurs ce que pratique le musée de Bibracte et le centre archéologique européen du Mont-Beuvray, avec toutes les crémations et quelques inhumations qui viennent de Bibracte et également d'autres sépultures et nécropoles celtiques de Bourgogne. Cette idée vraiment juste de les mettre sous le sol, mais comme le dit Rosen et comme le dit l'ensemble de la collectivité, de la communauté scientifique, ils doivent rester absolument accessibles pour les chercheurs, quitte à être parfois un tout petit peu échantillonnés pour faire des examens complémentaires. Juste sous le niveau du sol. Honnêtement, des réserves souterraines, c'est pas la mer à boire, c'est pas très compliqué, et ça permettrait déjà de résoudre beaucoup de conflits potentiels, en tout cas de contenter beaucoup de communautés religieuses. Le temps tournant, je ne sais pas si on aura le temps de parler de Louise de Kango. Rosenkolter, quelle est votre position? Comment voyez-vous ça? Vous, j'imagine que l'éthique, pour vous, l'anthropo-responsabilité, c'est l'excellence de votre métier avant tout? Oui, comme je disais tout à l'heure, l'archéologie, selon le code du patrimoine, c'est une mission de service public. Donc, si l'archéologue, il est responsable également d'un point de vue légal sur de ses recherches, il l'est aussi d'un point de vue éthique et technique, quoi. Donc, et puis on sait qu'on peut pas fouiller deux fois le même site, donc c'est important de faire les choses, de faire un travail de qualité. Donc, ça passe par une transparence dans nos méthodes et une reproductibilité de nos résultats en archivant le maximum de données. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du colloque qui s'est tenu la semaine dernière au Quai Branly. Donc à l'occasion, on avait communiqué avec ma collègue Clio Dersarkissian, qui est paléogénomicienne au CAGT à Toulouse, parce qu'on voulait mettre en évidence que l'archéologue et le paléogénomicien avaient un peu les mêmes idées, les mêmes contraintes techniques. Donc ouais, pour nous, les objectifs et les démarches sont apparemment pas différents. Et l'objectif, c'est vraiment de recueillir le maximum de données, même si on reste lucide sur nos interprétations, parce que pour rester dans le thème de l'émission et citer Victor Hugo, on sait que la science, c'est l'asymptote de la vérité. Donc on approche sans cesse, mais on ne la touche jamais, quoi. La génétique est une vraie révolution et du coup peut-être une révolution éthique, en quelques mots. Mon éthique à moi, oui, c'est la science. La paléogénomique nous a apporté des faits nouveaux et maintenant on peut ça débride aussi notre imagination. On va beaucoup plus loin dans nos interprétations. On a des nouveaux faits. On sait maintenant que l'homme de Shedar avait la peau noire, donc il y a 10 000 ans en Grande-Bretagne. On sait qu'on a tous du Néandertal en nous. Ça repousse aussi nos idées, donc il faut faire le travail global avec le maximum de personnes, oui. Rosenkolter, Philippe Charlier, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Natchar, à la technique Jean-Frédéric, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver ou sur l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, changement de décor pour la préhistoire ancienne.